Avec le temps tout s'efface. Aucun de nos souvenirs disparaît. Entre nous j'ai mis de la distance. Mi corazón, je dois le réparer. Tu disais que tu m'aimais, t'allais demander ma main. Mais 5 ans après, t'étais toujours pas prêt. J'ai eu beau attendre, encaisser la douleur, mais j'avais plus de force, tu m'as pas fait honneur. J't'ai aimé comme personne ne t'a jamais aimé, aimé. Tu reviens, mais j'ai plus rien à te donner. On s'est laissé malgré nos sentiments, faut qu'on l'accepte. J'ai fait ma vie, maintenant c'est différent, c'est lui qui m'appelle. J't'ai mis sur le côté, c'est toi qui as fauté. J'ai passé des nuits sans nouvelles, c'est toi qui as posé, à tout effacer, et j'ai dû te recommencer. Regarde-toi, les deux rôles s'inversent. C'est moi qui raccroche et toi qui rappelle. J'entends des fois que tu tournes en bas de chez moi. Ce que t'es prêt à faire, mon homme l'a déjà fait. Je me suis mariée devant Dieu, maintenant c'est mort. Pour nous deux, y'aura pas de machine arrière. T'auras beau revenir, mais non, c'est mort. J't'ai aimé comme personne ne t'a jamais aimé, aimé. Tu reviens, mais j'ai plus rien à te donner. On s'est laissé malgré nos sentiments, faut qu'on l'accepte. J'ai fait ma vie, maintenant c'est différent, c'est lui qui m'appelle. J't'ai mis sur le côté, c'est toi qui as fauté. J'ai passé des nuits sans nouvelles, c'est toi qui as posé, à tout effacer, et j'ai dû te recommencer. Le cœur ou la raison, il fallait faire un choix. J'pense à ma femme. Avec toi j'aurais rien fait. Le cas ou la raison, il fallait faire un choix. J'pense à ma famille. Avec toi j'aurais rien fait. On s'est laissé malgré nos sentiments, faut qu'on l'accepte. J'ai fait ma vie, maintenant c'est différent, c'est lui qui m'appelle.